papillon, minute, minute papillon. Quoi, c'est déjà l'heure de parler au quotidien? Minute papillon. Évidemment, vous n'êtes jamais pressé. Oh, je suis toujours pressé, Evelyne. Là, vous exagérez. Je suis toujours en retard, mais je suis toujours pressé. En tout cas, vous vous êtes empressé de faire la liste des expressions qui avaient été plus ou moins popularisées par un hebdomadaire satirique bien connu des Français qui s'appelle Le Canard Enchaîné. Je me suis empressé de faire cette liste d'ailleurs grâce à Pierre Germa, qui a fait paraître un livre qui s'appelle « Et ta sœur », qui est un recueil d'expressions toutes faites où il rend hommage au canard enchaîné et aux expressions que ce journal a consacrées dans la langue française. Enfin, revenons à nos papillons et à Minute Papillon. Il paraît qu'il y avait à côté de la rédaction de ce journal, à l'angle de la rue Denou et de la rue Louis-le-Grand pour être très précis, un café. Ce café s'appelait le café du cadran. Il y avait un garçon qui était toujours débordé, le pauvre. Si bien que quand on l'appelait, il disait toujours « Minute, minute, minute !» Seulement, il s'appelait Monsieur Papillon. Et les journalistes ont donc trouvé plus drôle de dire « Minute Papillon !» Petit clin d'œil pour dire « Attendez, il n'y a rien qui presse !» Ce sont les mêmes journalistes d'ailleurs qui, un peu plus tard, ont popularisé l'expression « faire payer le lampiste ». Qu'est-ce que c'est qu'un lampiste? C'est un employé subalterne. Au départ, c'est celui qui est chargé de l'entretien des lampes. Et puis c'est celui qui est tout en bas de l'échelle. C'est celui, par exemple, qui trimballe un petit seau sur le quai du métro, en mouillant légèrement le quai pour qu'ensuite il soit plus facile de balayer. Eh bien, quand une grosse faute est commise, parfois on s'arrange pour faire payer le lampiste. C'est-à-dire pour faire porter le chapeau, comme on dit. Pour rendre coupable aux yeux du public un employé très subalterne. Qui a peut-être une responsabilité, mais c'est pas vraiment le fond du problème. On peut se demander pourquoi un journal a réussi ainsi à populariser des expressions. Bourrage de crâne, tout simplement. Ouais. À faire des innovations. Il faut dire que c'est un journal satirique qui a quand même une forte audience. Il existe depuis 1915, et d'ailleurs c'est une année après, je crois, qu'il a innové avec le bourrage de crâne, qu'il a popularisé ce terme. Eh bien oui, il avait lancé un concours pour déterminer qui aurait le prix du grand chef de la tribu des bourreurs de crâne. Et c'est d'ailleurs Gustave Hervé qui l'a eu. L'expression a beaucoup plu, elle est restée par la suite. Bourrage de crâne, propagande forcenée, disons. Oui, alors attention, nous sommes en 1916 dans un contexte très militarisé et militariste. Et depuis, bien sûr, cette connotation militariste de la guerre de 14 a disparu. De même que l'idée de propagande forcenée peut se dissiper de temps en temps. Et au-delà de ces deux valeurs, on peut trouver tout à fait simplement l'idée d'une publicité un peu forcée et très suggestive. Oui, telle ou telle lessive, vous voulez dire. Oui. On nous bourre le crâne en nous disant que ça lave plus blanc. Tout ça, c'est du blablabla. Vous le savez aussi bien que moi. Blablabla. Qu'est-ce que ça vous évoque? Un discours un peu vaseux. Très vaseux. Qui s'éternise. Incessant, vain, vide. Oh, pas si vide. Incessant, oui, mais pas si vide, parce que je pense qu'il y a quand même l'idée, derrière ce bavardage, de noyer la vérité sous un flot de paroles. Donc ce n'est pas innocent, le blabla. Eh bien, en tout cas, c'est encore un mot qui a été popularisé par le canard enchaîné. Dit-on blablabla ou dit-on simplement blabla? L'onomatopée est-elle multipliée par deux ou par trois? C'est ce que nous laissons à la discrétion de nos auditeurs. On a le choix. Alors, c'était là un petit aperçu des grandes réussites du canard. Et on va finir quand même par un cuisant échec. Le verbe culpédé. Eh bien, je suis très content que ce verbe ait lamentablement échoué. Culpédé voulait dire donner des coups de pied où vous pensez, probablement. Oui, dans le cul. Eh bien, il n'a pas pris. Personne ne parle plus aujourd'hui de culpéder quiconque.